19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Les préhistoriens ont un goût immodéré pour les cailloux, les vieux cailloux, preuve de la main de l'homme. Ils sont d'ailleurs passés maîtres dans leur typologie, leur classement, leur réplication, comme dans la production de grands puzzles composés de milliers de petits éclats autour d'un nodule, d'un noyau, qui porte assurément la jolie dénomination latine de nucleus, au pluriel nuclei. On le sait, la longueur, la petitesse, la symétrie de ces silex sont, à leurs yeux, des critères de qualité, d'évolution et même au sein des différentes chapelles, de prestige et de respectabilité. Et après, me direz-vous ? Après, c'est justement la question que se pose mon invité. Et si ces cailloux ne cachaient pas la forêt ? Quelle est la part du disparu face au parvenu jusqu'à nous ? De l'invisible, de l'impalpable versus la matérialité imputrescible de la pierre. Hubert Forestier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ce soir en direct et au téléphone. Préhistorien, spécialiste de l'Asie du Sud-Est et des mondes tropicaux, vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et avez travaillé au Cambodge, en Thaïlande, au Laos, comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais votre terrain privilégié reste l'Indonésie. Aujourd'hui, vous venez de publier un ouvrage, « La pierre et son ombre, épistémologie de la préhistoire », paru chez L'Harmattan. Avant de partir dans l'invisible, restons sous les tropiques, Hubert Forestier. On oublie trop souvent que le monde tropical est à l'origine de la préhistoire ? Oui, en effet, le monde tropical a vu l'émergence d'ailleurs de la préhistoire, mais aussi de grandes disciplines comme la paléanthropologie. Et dès la fin du XIXe siècle, avec Eugène Dubois, ce jeune anatomiste hollandais, donc qui est venu en Indonésie d'abord attraper la malaria à Sumatra, et puis en 91 découvrir ce qui va devenir l'Homo erectus, et puis créer de toutes pièces la discipline paléanthropologique. Après, ça c'est pour la partie insulaire. Sur la partie continentale, il y a le même processus, la même conquête qui est due à une femme qui, aux alentours de 1900, Madeleine Colagny, qui a investi scientifiquement cette grande région qui est la péninsule indochinoise et qui s'est embarquée dès 1898 pour le Tonkin, où elle fera une carrière de géologue, était docteur d'État et au service géologique d'Indochine pour finir à l'école française Extrême-Orient. Donc ces grandes figures finalement ont été émergentes à la fin du 19e au début du 20e siècle et ont donné naissance à des grandes disciplines comme la paléanthropologie, la préhistoire. Madeleine Colagny, donc une préhistorienne, un peu oubliée à l'image de Josette Lamy-Gamprère pour l'Amérique. Tout à fait, je dirais plus oubliée que Madame Ampère. Hein. D'ailleurs, Madeleine Colagny est la créatrice, je dirais, l'inventrice de la préhistoire indochinoise, notamment du Wabignan, on y reviendra sûrement tout à l'heure. C'est une géologue, c'est une paléontologue préhistorienne et qui a fouillé plus de 70 grottes dans les massifs du Tonkin karstique du nord du Vietnam et qui a, on peut dire, régné comme une impératrice hein, indochinoise jusque dans les années 40. Bon, je veux dire, elle est décédée en 1943, voilà. C'est une grande dame, en tout cas, de la préhistoire française qu'on connaît assez mal. Aujourd'hui, deux nouvelles espèces sont récemment venues sur le devant de la scène, en Indonésie et aux Philippines. Oui, il y a eu beaucoup de découvertes ces dernières années et l'Asie nous éclaire maintenant sur une famille très élargie, en tout cas qui comptait jusqu'alors, on va dire, Homo erectus, Homo sapiens, donc une vieille opposition qui nous, je dirais, qui était assez confortable pour les préhistoriens paléanthropologues. Donc ces deux hominines maintenant sont plus seuls, hein, et il y a eu d'autres espèces du genre Homo qui ont coexisté sur le temps long du Quaternaire et on en a la preuve. Comme l'Homo floriensis, qui remonte à 160 000 ans, et puis l'Homo lusonensis, qui a été découvert dans la grotte de Callao aux Philippines, qui est daté de 67 000 ans. Voilà. Donc là, on a revu, en tout cas, l'Asie du Sud-Est et les espaces tropicaux comme justement des incubateurs d'hominines nouveaux, en tout cas. On compte 5 humanités à l'heure actuelle. Il y a l'Homo lusonensis, l'Homo floriensis, l'Homo erectus, bien entendu, l'Homo sapiens et en Indonésie, l'Homo solanensis. Donc, on peut penser que les caractères très particuliers de ces hommes seraient liés à la forêt. C'est bien ça que vous me disiez, Hubert Forestier. Bon, peut-être pas complètement à la forêt, mais il y a eu des adaptations au milieu insulaire. En tout cas, ces hominines nous posent la question sur les premiers peuplements, en tout cas sur la diffusion effectivement de flux géniques et culturels dans l'espace insulaire indonésien, mais un peu plus loin même avec l'île de Flores. Donc il y a forcément une nouvelle discussion sur à la fois la navigation, le voyage et les endémismes que procurent les îles. Bon, par exemple, pour prendre le Homo floresiensis, descendant de Moractus qui aurait évolué sur une petite île de l'Est indonésien, donc avec une évolution particulière, insulaire, ou une nouvelle espèce d'Homo sapiens plutôt pathologique, point d'interrogation, on n'a pas encore tranché, par exemple. Donc on sait que trois îles ont été colonisées, hein, Flores, Luçon, qui ne sont pas accessibles à pied sec, pas plus que les Sulawesi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas comment ils ont pu accéder à ces îles. Est-ce que c'est une colonisation par accident, issue d'un tsunami, de radeaux naturels, ou de blocs de végétation qui se seraient détachés par phénomène de risque naturel, tsunami et autres. Donc ça, c'est des questions qui restent en suspens, mais qui posent la question de ces colonisations pour le coup insulaire. La pierre, c'est la voie d'accès privilégiée pour le préhistorien. Reste que ces objets anciens qui nous parviennent si souvent n'ont aucun écho dans notre mémoire vive, encore moins pour celle des auditeurs. Oui, en effet, la pierre est le matériau le plus fidèle, car il est le mieux conservé. Mais il est aussi infidèle, je dirais, si j'ose dire, comme témoin du passé, puisque peut-être qu'il ne donne pas le bagage technique des chasseurs-cueilleurs ou des hommes qui ont taillé la pierre. La pierre peut avoir une primeur dans certaines régions du monde, dans d'autres, comme l'Asie du Sud-Est, elle peut être présente et avoir la primauté dans le champ archéologique, mais comportementale, passée, très certainement pas, puisqu'elle est très certainement associée à d'autres matériaux. Voilà, donc la pierre est bien sûr un témoin privilégié du passé, mais un témoin, je disais, un peu infidèle, parce qu'elle va nous plonger dans, effectivement, peut-être plus d'empathie, parce qu'elle est dans le côté tactile, le côté affectif, et une forme d'intersubjectivité qui peut rentrer, un peu gratuitement entre la pierre et nous. Justement, Hubert Forestier, faisons quelques secondes d'épistémologie. Pour penser la préhistoire, il faut passer par des restitutions imaginaires. Dans ce cas, votre savoir ne serait qu'une construction. Oui, cela rejoint une construction. Forcément, je parlais d'affect et d'empathie. Quand on n'a que la pierre, eh bien, on tourne autour d'elle et on va graviter autour de la pierre. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous dites rejoint le constructivisme, finalement, c'est-à-dire on peut émettre un doute et une critique sur l'image perçue, en tout cas de l'objet présent, C'est-à-dire, c'est la façon très subjective comment on peut percevoir une réalité, et une réalité archéologique avec des fragments et des miettes de restes est forcément difficile à appréhender. Et parfois, peut-être vu comme une pure production de l'esprit, je veux dire, ça a été dit par, bien sûr, Emmanuel Kant, Piaget et d'autres après, et on élabore forcément une construction archéologique ou sociale d'une réalité passée qui est hors de notre propre temps et de notre technocosme, et quand on étudie une pierre, on est hors de la technosphère, pour le coup. Que sait-on de l'homme moderne au cœur de l'Asie du Sud-Est? Que nous a-t-il laissé comme caillou témoin de son passage? Un seul mot revient alors dans la bouche des préhistoriens, l'Oabinien. De quoi s'agit-il? Alors, l'Oabinien, c'est la grande culture technique de l'homme moderne. Alors, autant en Europe de l'Ouest, on a toute une série de cultures techniques, on va appeler ça, de faciès lithiques associées à de l'os, tournées vers le laminaire, la pointe, etc., comme on connaît dans le, ce qu'on appelle le paléolithique supérieur européen. En Asie du Sud-Est, pour la même période, quasiment la même période, dès que l'homme moderne apparaît, il ne régresse pas, il réinvente un savoir-faire adapté au contexte environnemental de forêt dense humide, qu'on appelle l'Oabinien. C'est un terme qui vient de Oabin, qui est un village du nord du Vietnam, et il ne fait que du galet. Il ne fait que du galet. Le galet, c'est un peu ce qu'on retrouve chronologiquement au début de la préhistoire paléolithique. Là, pour le coup, le galet revient, mais différemment, en Oabinien, à partir de 40 000 ans jusqu'à des périodes très récentes, au milieu de l'Holocène, aux alentours de 4-5 000 ans, avant ce qu'on pourrait appeler un néolithique, et encore un néolithique en Asie du Sud-Est est compliqué aussi. Voilà, l'Oabinien est une culture sur galet massif, qui apparaît avec la modernité. On a l'impression qu'ils redécouvrent le galet, ils le font d'une façon très particulière, c'est-à-dire sous forme d'uniface, sous forme de fractures en split aussi, d'outils assez lourds, très aménagé avec de la retouche importante, et bien sûr après des pièces qu'on connaît au paléolithique plus ancien, que sont les choppers, les chopping tools, c'est-à-dire des pièces assez lourdes. Voilà ce qu'est le Oabinien et la modernité en Asie du Sud-Est continentale. Et ces outils, qui sont pas très beaux d'ailleurs, on les retrouve systématiquement, c'est bien ça? C'est toujours le même type d'outil? Systématiquement, une grande stabilité technique qui finit par, si vous voulez, donner un caractère très répétitif à ces hommes qui se sont adaptés entre du sud de la Chine, si vous voulez, subtropical, dès que le subtropical arrive, et puis au tropical après, c'est-à-dire les contreforts nord-vietnamiens, la Birmanie, le Laos, le Cambodge, jusqu'à l'isthme de Kra, la Malaisie, et ça se termine en à Sumatra. On a cette culture particulière sur galet, avec quelques variantes, mais on reste dans une trajectoire technique qui est le galet plutôt plan convexe, de forme plutôt oblongue, assez lourd, et des outils qui font entre 200 et 500 grammes. Ces gens-là sont des chasseurs-cueilleurs, bien entendu. Le Vietnam, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, mais aussi l'Indonésie, l'île de Sumatra. Comment expliquer cette incroyable répartition de ce type d'outils? On l'a longtemps expliqué par les déterminismes géographiques, avec des choix qui deviennent culturels, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une opposition continentalité-insularité. Sumatra est le bastion d'entrée de l'archipel indonésien, qui fait, rappelons-le, 5000 km sur 2000, hein, qui est gigantesque, hein, ça va de Brest à l'Oural à peu près, c'est plus de 13 600 îles, et Sumatra est ce gros bastion d'entrée qui fait cette transition entre continentalité péninsulaire et l'insularité. Et dès qu'on franchit cette barrière-là, dès qu'on franchit après l'équateur, on va vers des îles de plus en plus sèches, hein, celle de Flores est très sèche, avant de retrouver une zone équatoriale qui est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais on a tout un bandeau d'îles, Java comprise, Bali, Lombok, etc., où on a un environnement très particulier, très sec. Moins de forêts denses, et on a un choix différent de production. On a, si vous voulez, un monde d'éclat, pour résumer, de petits outils et d'éclat, de débitage pour la partie insulaire, qu'on retrouvera aussi aux Philippines, différents matériaux, ça peut être de l'obsidienne, de la chaille, de la lydienne, de l'obsidienne, du silex, et la partie continentale qui est par contre verrouillée par un système très fermé d'industrie sur galet. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Quelquefois, l'archéologie rencontre l'histoire hollywoodienne, car nous connaissons tous le pont de la rivière Kwai, film aux 7 Oscars, daté de 1957. On pourrait même presque le siffler. Cela vous dit quelque chose, Hubert Forestier ? Oui, on peut. C'est un clin d'œil intéressant. Et puis toutes ces découvertes de restes fossiles, faut pas oublier que les restes fossiles ou les pierres taillées ont été ramassées parfois le long des rivières et que ça soit en Indonésie ou en, là pour le coup en Thaïlande, on a cherché davantage peut-être les eaux à un moment donné et je dirais l'Asie du Sud-Est a démarré avec la paléanthropologie et passé à la préhistoire après. Donc elle démarre avec du bois à la fin du 19e et après effectivement dans les années 30-40 on s'intéresse aux cailloux alors qu'en France c'est le contraire. On commence par, à la fin du 19e, à discuter sur des cailloux. Et les premiers outils. L'effet inverse, c'est peut-être l'effet tropical d'ailleurs. Et les premiers outils au Abidien sont donc découverts par un prisonnier du pont de la rivière Kwai. À défaut de comprendre du premier coup la fonction de ces drôles outils en pierre, des analyses plus fines, comme par exemple l'étude des traces sur les outils, peuvent-ils nous renseigner ? Oui, c'est les analyses tracéologiques ont donné déjà ces gros outils sur galets ont été quand même ont posé des problèmes. Des problèmes aussi, on peut penser à l'homme moderne comme quelqu'un qui fabrique des lames, des pointes de flèches, etc. On a l'impression d'avoir une régression, un retour en arrière, et donc on s'est posé la question de savoir ces gros outils servaient à quoi. Les analyses tracéologiques ces dernières années ont donné, d'ailleurs j'ai une de mes étudiantes qui a travaillé dessus, ont donné des résultats assez probants sur des micropolis, des traces de résidus d'activité végétale. Bambou, bien sûr. Bambou est composé en partie de silice, donc ça laisse des micropolis siliceux sur de la pierre, je dirais même c'est du lithique contre lithique presque, et après bien sûr des travaux de bois dur ou de rotin. Un pan entier d'une préhistoire invisible apparaît alors ? Oui, le terme est provocateur et astucieux, hein, bien sûr, une préhistoire invisible apparaît, hein, c'est cette préhistoire de l'Asie du Sud-Est qui est si particulière, le Abyssinien n'est que je dirais la partie émergée qui nous dit que ça fonctionne peut-être différemment et que l'homme est moderne non pas par le galet ou par ses gros outils, mais ça serait une anomalie, entre guillemets, si on la compare à l'Europe, calculée et singulière, et ça serait une préhistoire effectivement invisible, le terme est bien choisi, et qui est né d'un doute. Un doute, un vrai doute qui est celui de la pierre. C'est-à-dire, elle est loin de valoir ce qu'on attendait d'elle. Quand on attend des chasseurs-cueilleurs, on attend, effectivement, si on regarde un peu les chasseurs-cueilleurs dans le monde depuis la sortie d'Afrique, etc., on voit plutôt des pointes de flèches, des pointes en pierre. Là, on est un peu déçu. Vous savez, c'est un peu comme ces plats au restaurant, si vous voulez, qui arrivent un peu plus médiocres que ce qu'ils étaient supposés par le menu. Donc, je veux dire, le préhistorien se retrouve à avoir un contexte archéologique un peu différent, un peu si bien sûr il se met dans un paradigme européen. Mais pour travailler en Asie du Sud-Est, il faut être dans un paradigme un peu différent. Peut-on dire que la forêt aurait caché, plutôt, peut-on dire que la pierre aurait caché la forêt tropicale humide ? La pierre aurait été même peut-être trop visible, un excès de visibilité pour l'archéologue ? Oui, absolument, absolument. C'est la grande déception à l'égard de ce qui devient, je dirais, l'archéologie du réel, c'est-à-dire la pierre. Moi, je ne l'efface pas, la pierre, elle est présente. D'ailleurs, elle devient banale quelque part. Elle me renseigne assez peu sur le comportement des chasseurs-cueilleurs. Y a-t-il des chasseurs-cueilleurs sans pointe ? La vraie question est ça. Et est-ce qu'on trouve des sols d'occupation en Asie du Sud-Est avec de gros galets, de simples galets taillés, avec des animaux, si vous voulez, chassés, consommés, et des animaux aériens ou des gros mammifères ? Donc on se retrouve en fait à avoir une pierre qui devient une constante qui est rattachée à une condition humaine particulière. Mais on est effectivement dans ce type de doute par rapport à la pierre et on peut effectivement peut dire qu'elle cache un mystère en tout cas. Elle cache une relation particulière avec autre chose qui est le végétal, j'ai essayé de le dire au départ. Votre approche est donc de penser à ce qui n'existe plus à partir de ce qui existe ? Hubert Forestier. Oui. Votre approche, c'est bien donc de penser à ce qui n'existe plus à partir de ce qui existe encore. Oui, ce qui existe encore ou ce qui reste comme reste. Donc au final, je dirais, il faut pas s'arrêter donc à l'objet présent, c'est-à-dire la pierre, qui serait vue comme un objet archéologique, une antiquité si vous voulez, mais accéder au sens des objets au monde, c'est-à-dire du relationnel qu'il a eu avec d'autres objets, des matériaux disparus, végétal par exemple, qu'il porte en lui, si vous voulez, la pierre porte en elle les micro-traces de cette existence qu'ils partageaient, on va dire. Autrement dit, on ne tend pas à définir une culture matérielle, si vous voulez, au sens matériel, au sens concret du terme. Qui plus est, la notion de culture est quand même largement vécue souvent comme immatérielle. C'est-à-dire la portée de mon questionnement est l'immatérialité qui est susurrée par la matérialité. Donc cette préhistoire du sud-est asiatique, si particulière, est pour moi, si vous voulez, si je devais résumer, la saisie de ce qui se retire en permanence, qui se dérobe, tout en se signifiant. Il faut peut-être aussi regarder ce que produisent dans un milieu à peu près similaire les communautés de chasseurs-collecteurs contemporains. Oui, tout à fait. Après, pas faire d'analogie, si vous voulez, de comparatisme ethnographique sur les chasseurs-cueilleurs. Ce qui est intéressant de regarder chez les Dayak, chez les Punan, chez Jean de Mentawai, sur plein de chasseurs-cueilleurs, c'est en fait leur façon d'être et de participer au monde et d'utiliser les matériaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir la hiérarchie symbolique des matériaux et de se dire, par exemple, que les matériaux durs, en général, moins éphémères que les autres, donc imputrescibles, bien conservés, ça peut être la pierre, mais ça peut être le fer chez eux à l'heure actuelle, sont vus, si vous voulez, en deçà, sont vus assez bas dans la hiérarchie. Par exemple, le fer chez les hommes de Mentawai, c'est une matière agressive. Donc là, j'ouvre un sujet important qui est la perte du champ symbolique en préhistoire. Donc, si j'en reste, si vous voulez, qu'à la pierre et qu'à sa matérialité, peut-être que la pierre représente, comme je le pense, qu'un sous-système technique d'un métasystème qui serait environnemental et tourné vers le végétal. Hubert Forestier, je reviens sur cette idée. La préhistoire, c'est bien entendu celle des autres, cette autre qui est réellement intelligible. Oui, c'est l'autre... C'est l'autre, bien sûr, c'est la trace de l'autre. Je veux dire, j'ai introduit mon livre par un auteur fameux qui travaille sur l'altérité, qui est Emmanuel Levitas. On accepte effectivement cet autre, cette diversité, parfois comme des contre-exemples, une déconstruction des paradigmes. En tout cas, quand on va travailler en Asie du Sud-Est, même si on fait des fouilles archéologiques assez classiques, on a une façon de voir le terrain un peu différent. Donc, avec nous-mêmes, bien sûr, il y a une différence. Il y a aussi la possibilité de la diversité dans un espace de contingence. Et il faut accorder aux hommes de la préhistoire, comme à nous-mêmes, des adaptations particulières. On est différent là-bas, comme on peut l'être en Europe. Je pense que j'aurais été différent une radio en Asie du Sud-Est comme je peux l'être aujourd'hui, mais l'homme est toujours en train d'essayer de chercher dans l'autre ce qui est en lui quelque part, chercher ce qui est différent et complémentaire à la fois. Donc c'est cette capacité extraordinaire de découvrir en fait l'autre en provoquant ce qui est déjà en soi-même mais très différent. Est-ce que j'aurais fait mieux que ces gens-là au niveau de taille de la pierre dans de la forêt équatoriale humide? Est-ce que je peux chasser des animaux dans des contextes de forêt dense humide ou forêt-galerie, avec de simples galets de 300 grammes? Je vous dis non. Donc, je pense qu'il y a une vraie intelligence qui est due au contexte. À chaque moment commence une histoire. Autour de chaque ici, il y a des sphères et des centres un peu partout. Il suffit d'être dans ce centre-là et de réfléchir, je dirais, dans le milieu. Hubert Forestier, les archéologues adhèrent à des courants de pensée hors champ, issus parfois de l'anthropologie culturelle, de la philosophie. On pense bien sûr à Gilbert Simondon et à la philosophie de la technique. Vous, Hubert Forestier, vous rattachez plutôt donc à Emmanuel Levinas? Oui, je dirais que je me rattache plus aux phénoménologues en général qui travaillent sur l'existence. Bon, Levinas a beaucoup travaillé sur l'altérité et bon, la phrase qui a guidé tout mon travail est sur la trace, hein, bien entendu. La trace ne compense pas dans les choses qui produisent des effets, mais bon, seul un être transcendant le monde laisse une trace. Bien sûr que les phénoménologues, les gens qui ont travaillé sur l'existence, qui ont travaillé aussi sur le néant, je parle à Sartre, je pense aussi à Merleau-Ponty sur l'invisible, la phénoménologie a beaucoup de, je dirais, d'intérêt pour nous dans nos travaux, puisqu'on est dans un monde à la fois plein et vide en permanence, et j'ai essayé en tout cas dans ce travail l'ombre du phénomène, hein, puisque ça renvoie aux conditions finalement d'apparaître de l'objet. Je vais au-delà de définir un objet. Il y a les modes de fonctionnement d'un objet technique, mais aussi les modes d'apparition. C'est plutôt, j'ai cherché à montrer, à faire apparaître, plutôt qu'à démontrer ce qui était un outil quelque part. Et c'est vrai que l'objet de pierre, si vous voulez, va à l'encontre de lui-même. Finalement, je l'ai critiqué. Et en fait, je me suis intéressé à ce qui est, bien sûr, ce qui est visible, qui est la pierre, mais qui me donne, finalement, me permet de penser l'autre, qui est le végétal, et dont le retrait, archéologiquement parlant, si vous voulez, expliquerait la manifestation archéologique et surreprésentée de la pierre. Donc, Lévinas m'a beaucoup aidé sur le rôle de l'autre. Bon, après, je peux continuer sur Lévinas parce, bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le Ilia. Un archéologue, vous savez comment ça se passe, quand il trouve quelque chose, il dit il y a ça. Donc, le Ilia est au centre de la réflexion et de la philosophie d'Emmanuel Lévinas, c'est-à-dire qu'il va ouvrir à une marque à la fois de subjectivité. On sait ce que c'est en archéologie, et aussi au caractère anonyme et impersonnel du Ilia. C'est-à-dire, il parle, si je me souviens bien, il parle de bruissement, d'un exister anonyme, Emmanuel Lévinas, sur tout ça. Et il y a aussi le Ilia de Heidegger, bon, que j'utilise moins, mais je dirais, je fais des allers-retours entre les deux, qui est plus dans le sens originel, plus dans le sens du responsable de tout ce qui existe quelque part. Donc effectivement, j'ai utilisé beaucoup la phénoménologie et les gens qui ont travaillé sur l'existence, mais aussi ceux qui ont travaillé effectivement sur l'invisible. Après, la relation à l'autre, pour revenir à la pierre, qui se sent un peu seule, elle me donne pas de pointe, elle me donne pas d'outils magnifiques, elle me donne pas de l'esthétisme, et pourtant je suis dans une modernité, 11 000, 10 000 ans, parfois 40 000, parfois 5 000 ans. Eh bien, elle m'aide elle m'aide à penser l'autre, finalement, à penser le végétal. Et la relation à l'autre devient un mystère quelque part. C'est-à-dire la fouille archéologique est une relation, elle, par contre, concrète, charnelle à l'autre. Voilà. Là, je vais un peu plus loin que l'objet, mais sur un plan général, l'autre est alors, bon, quelque part insaisissable, si vous voulez, à la fois par les mots et le regard. Et c'est ce rapport à l'autre qui est un rapport, pour reprendre un terme très lévinassien, est un rapport absolument autre. Merci beaucoup, Donc, Hubert oui, je Forestier. me situe. Merci beaucoup, Hubert. Merci d'avoir été en direct et au téléphone pour cette préhistoire du bambou. Je rappelle le titre de votre livre, La pierre et son ombre, épistémologie de la préhistoire, paru dans la collection d'anthropologie des techniques chez L'Harmattan. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Ludovic Auger, et bien sûr avec Sandrine Chapon. La semaine prochaine, l'anthropologie funéraire sera un sujet d'éthique où l'œil était dans la tombe. France Culture, l'esprit d'ouverture.